Salut à vous et bienvenue sur Radio Terre Dévastée, votre radio des terres dévastées du sud de la France, de cette belle année 2888. L'apocalypse nucléaire a peut-être eu lieu, mais l'amour, lui, a toujours lieu. Ah, les terres dévastées du sud, entre déserts, fous furieux et faune cherchant à vous boulotter. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la vie et l'amour. Beaucoup d'amour. Eh bien, si vous entendez votre voisin faire l'amour, allez toquer à sa porte et dites-lui « Hé, moi aussi, j'aime l'amour !» Et rejoignez-le. Allez, envoyons la musique. Don't stand no cheating, my babe. Oh, yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh, yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh, yes, I know she'd love me, my baby. Oh, yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. She do so pleasing, my babe. True little baby, my babe. My baby don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my babe. True little baby. Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. All right. All right. Oh, play it, boy. Turlupine. Si on peut dire que l'air c'est beau, alors on peut dire que c'est beau de l'air. Oh, pardon, c'est l'heure des informations. Les maires de Perpignan et de Cratère Montpellier seraient en train de tranquillement préparer ce qu'ils appellent des pourparlers apéro pour rencontrer le général du vieux fort de Collioure. Autre information. La princesse de la princesse potée du Barcarès serait en train de motiver ses ouvriers sans salaire dans le but de consolider le mur retenant les eaux qui menacent d'engloutir la ville. Sa motivation est simple. Si le mur lâche, on meurt tous. Voilà qui a le mérite d'être clair. Dans une sombre affaire de vol de légumes et meurtre, un suspect est interrogé par la police. Non mais lâchez-moi, lâchez-moi! Je vous dis que j'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien vu! S'il vous plaît, s'il vous plaît. On me veut que vous témoignez de votre témoignage. Mais j'ai rien vu! Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix! Eh oh, monsieur. Non! S'il vous plaît. Non! Vous pouvez pas me parler! Pardon? Vous pouvez pas me parler? Je suis un corbeau! Waouh! Waouh! Monsieur, le. Ah! Non mais. Attendez! Ah! Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. Get on, sing up! Read love song! Oh, love the time! She will only be, only be. Baldi, bozi, bat, blip up. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody kiss for me, this no matter, kiss for me, no matter. Sugar, darling, I ain't got nobody. nous signale que les espoirs d'électricité de Leucat l'Englouti ont encore été réduits à néant. La machine construite par l'ingénieur en chef s'est révélée au final être un poisson tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà de quoi se faire gronder comme un poisson pourri. Des hommes en armes seraient sortis du vieux fort militaire de Collioure et investiraient la ville. D'ailleurs, si vous avez besoin d'investir, faites appel à Casino Vegas. À Casino Vegas, on pratique des prêts à taux rocambolesques. Seule votre âme suffira. À Casino Vegas, devenez plus riche que les propriétaires de Casino Vegas, mais en dette. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. And dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more might, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And it'll satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more. baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, satisfy me, baby. Le suspect principal dans la sordide affaire de vol de légumes et de meurtre est à nouveau entendu au poste de police. Cette fois-ci, vous allez cracher le morceau. C'est moi qui vous le dis. Mais j'ai rien vu. Ouais, et après, vous allez faire votre corbeau. J'étais pas là, foutez-moi la paix. Et ensuite, vous allez faire quoi? Le morceau de pain, c'est ça? Hein? Oui, c'est bien ça. Eh, allez-y, c'est ça. Faites le morceau de pain, allez-y. Oh mon dieu! Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Il est où? Michel! Michel! Il est où ce salopard? Il est où? Il est où le suspect? Il a disparu! Je le vois plus! Je ne vois qu'en face de moi un morceau de pain! Oh nom de dieu! Oh nom de dieu, nom de dieu! Il est où? Il n'y a qu'en face de moi un succulent morceau de pain! Oh nom de dieu! Devant nos yeux ébahis! Waouh! Quelle enquête explosive! Thank you. children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Signale qu'un gang de pillards bloque tous les accès au lac radioactif des Bouillous, depuis qu'un de leurs membres vient de se faire désintégrer en nageant dedans. Un homme, voulant y faire une balade avec sa belle-mère, s'est dit très courroucé quant à l'annonce de cette nouvelle. When you wear old dresses, the sun comes shining through. Monte Carlo. Non, j'ai vu monter personne. Puis t'as vu Monte Cristo. Non, j'ai vu monter personne. Mais j'ai vu le fils d'un voisin flirter avec une voisine. Il paraît que c'est son cousin, mais je crois que c'est sa cousine. Dis, t'as vu Monte Carlo. Christo. Non, j'ai vu monter personne. J'ai vu l'Asie, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique, tous les films de partout, le joli dos de Belmondo. Du matin jusqu'au soir, mon mari m'en fait voir sur le petit écran. Je vois la couleur en noir et blond. Qui t'a vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Dis, t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Mais j'ai vu un voisin infâme se disputer avec sa femme. Il a sorti son grand couteau et l'a découpé en morceaux. Un, deux, trois, quatre tranches. Dis, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Dis, t'as vu Monte Cristo? J'ai vu monter personne. J'ai vu monter, monter par un beau pied, monter. J'ai vu monter dans le cou. Mon téléphone, monter pour fou. Dis, t'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Dis, t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Ça se gagne. Dis, t'as vu Monte Carlo? Put on your red dress, baby. Lord, we going out tonight. Put on your red dress, baby. Lord, we going out tonight. Gonna wear some boxing gloves in case some fool might wanna find. Put on your high heel sneaker, wear your weak hat on your head. Put on your high heel sneaker, wear your weak hat on your head. Thank you. pretty sure you're gonna knock him dead. Chers auditeurs, il est déjà temps de se quitter. Mais on se retrouve la semaine prochaine, car l'amour a toujours lieu.